Otimbi na Timbelio. Pacificateur jusqu'au bout, Vital Kamere. Yuma no gagat, Zoba no gagat. Yuma no gagat, Zoba no gagat. OLK, initiative plus. Toza golia, toza gomela, to yena programme. Lilje, lilje, lilje, lilje, te yo pe ba peza. Salomon Ben Salomon. You man no gagat, Zoba no gagat. You man no gagat, Zoba no gagat. James Mobwano l'homme idéal, l'architecte intelligent Jonathan Mutambala. Gauthier mascotte, Obani boulon a 10e, Olembi non a 12e. Talabaninga ba continue, Nasima tango asale. Yo pe ba futa yo, Poyo nani. Yo pe ba futa yo. Boss Raoul Machoupe, Dimota Fashion. You man no gagat, Zoba no gagat. You man no gagat, Zoba no gagat. Excellence ZK, la fondation DNT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoule. Leader.